À l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, la maison d'édition Mit Taromon du Myanmar a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple, et le Centre d'études des études justiciers de Milan de l'Italie a fait paraître en brochure à l'imprimerie Carlo Chellini de Rome son œuvre Luttons ferme pour la victoire finale en portant encore haut l'étendard du Songun.